castagne. Je viens vaincre, c'est le son d'un samouillet raï. Zélé par la gagne, je reviens convaincre ceux qui ont haï. Original, authentique, authentique des gimmicks. Apprécie l'harmonie du beat et l'esthétique des sons que je mixe. Accroche-toi petit, je passe à la vitesse supérieure. Ma musique est un cri qui vient de l'intérieur. Cette forêt musicale, je suis une plante vénéneuse. J'ai du hip-hop dans les veines, du talent dans l'intraveineuse. Mugen, c'est le place de la victoire. Je suis motivé depuis le départ et la gloire, moi j'y crois. T'imagines pas comme je frappe, je coupe les jambes quand je tac. J'ai du son dans ma bombe, t'entends les lettres quand je tac. Chaque sans couleur et aux formes, si nombreuses et si belles. Sont si bons que tu peux presque en goûter les décibels. J'aime jouer avec les mots, le monde et les émotions. Pour ça que ta vie n'est ton crâne et que t'as juste laissé mon sang. Puisque mon âme est animée par ce désir de conquête. Le rap m'appartiendra, quels que soient les obstacles. Qu'ils retiennent dans ma quête, la réussite sera mienne. Je dominerai le spectacle, faut pas que tu t'inquiètes. Pour ça, je donnerai ma vie s'il le faut, car je suis né. Pour ça, c'est pour ça qu'il y a si peu de défauts. Dans mes disques et mes rimes, audacieux comme mes screams. Si je m'applique dans mes zigs, c'est que je veux qu'on m'estime. Ma clé du succès sera faite, de l'acier du mérite. Je suis assidu et riche, sont mes textes et mes beats. On m'a dit t'atteins pas le sommet, n'hésite pas, histoire. Quand je débarque et je rappe, c'est que le début de l'histoire. Tellement à part pour ma part, je me sens bien différent. Et j'en suis fier quelque part, ça prouve mon indifférence. À la mode et au code que trop de rappeurs respectent. Scrupuleusement, heureusement frère, moi je reste frère. Suis-je là pour tout péter? Oh ouais, ça c'est clair. Le rap sera pulvérisé en un éclair. Suis-je bon? Ouais. Mauvais? Non. Invincible? Yeah. Et surprenant? J'en viens toujours plus fort. Cette fois c'est mon air. J'en ai fait des efforts. Je jure sur mon honneur. Suis-je prêt? Ouais. Dépassé? Non. Car les événements du passé me renforcent. Un beat, un flow et ça repart, mon album sort sans report. J'suis là et dans les temps, un mec frère, son frère. J'ai pas de rempart ni de repère, si ce n'est mes remparts, mes refrains. Si c'était à refaire, tu sais que je le referais. J'dévore mes adversaires pour le dessert sans effort. J'm'asserre dans le rap, lui arrache les viscères. Ces acteurs sont mes sous-fifres, mes boucs émissaires. Je leur fais la misère et me supplie d'être moins féroce. J'ai ma rage me renforce, mes échecs me renforcent. J'ai pas besoin de renfort pour que ma bombe s'amorce. Mais sans un putain de but, demande pas si ça mord. Mon flow déboîte à mort, j'l'ai dit, j'parle pas en morte. Et pas à part la grande porte, j'ai un marque sur les grands ports. Je rappe sans apport. Ici l'argent n'a rien à voir, le salaire n'a aucun rapport. Est-ce que tu m'as entendu, espèce de porc? Suis-je là pour tout péter? Oh ouais, ça c'est clair. Le rap sera pulvérisé en un éclair. Suis-je bon? Ouais. Mauvais? Non. Invincible? Yeah. Et surprenant? Je reviens toujours plus fort, cette fois c'est mon air. J'en ai fait des efforts, je jure sur mon honneur. Suis-je prêt? Ouais. Dépassé? Non. Règle les événements du passé me renforce. Le son un samouraï, 6 coups de sabre, 2. Les échecs me renforcent, 9e coup de sabre. C'est déjà dur et je suis pas prêt de m'arrêter.